attends deux secondes. Laisse-moi prendre ma respiration. Papa Listine, tu me connais. Hey gars, appelle-moi MC, maître de cérémonie. Laisse-moi débarquer dans le thème. Pour moi c'est de la provoque. Prêt à sortir le clock et prendre le dessus. Mais faut m'arrêter, mais faut m'arrêter. Mais faut m'arrêter. Et déjà faudra me faire taire ou m'enfermer. Papa Listine.